Exercice 8, page 80, Virelangue. Le fleuriste offre une fleur au flûtiste. Le fleuriste offre une fleur au flûtiste. Le fleuriste offre une fleur au flûtiste.